Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Alors, c'est un roman qui, dans son genre, d'après ce que j'ai lu, serait une première. Une première peut-être à double titre. Une première par rapport à ce type d'histoire, c'est-à-dire l'homme seul ou pas, mais l'homme se retrouve en face aux éléments. C'est un peu le retour forcé à l'état de nature. Et ça, c'est finalement une interrogation qui traverse toute cette période, c'est-à-dire siècle des Lumières. En gros, peut-être un peu avant. Justement, ce livre, donc Robinson Crusoe, paraît en 1719. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, on peut peut-être penser à Jean-Jacques Rousseau et à son mythe du bon sauvage. Du moins, à l'Émile. Et au fait qu'il y a toujours cette grande question de l'homme face à la nature. Alors, soit que ferait-il sans la civilisation, soit qu'est-il quand il doit quitter la civilisation? Bon, enfin, en tout cas, là, c'est un roman d'aventure, donc je disais qu'il est le premier du genre. C'est vrai que il y a aussi les Robinson suisses. Je ne sais pas si c'est très récent, ça, mais je pense pas, non. Donc, bon, bien sûr, beaucoup moins célèbre que celui-là. A priori aussi, c'est toute la littérature anglaise et le roman anglais en particulier qui voit en Robinson un précurseur. Donc voilà, comme il est dit à l'arrière du livre, si Robinson Crusoe inaugure la grande tradition du roman anglais, il conserve aussi encore aujourd'hui toute sa force, tout son pouvoir de fascination. Oui, alors là, bon, faut peut-être détailler. Alors, le roman. A priori, c'est tiré d'une histoire vraie, quand même, encore une petite digression. A priori, c'est tiré d'une histoire vraie, mais bien sûr, largement romancé par l'auteur. Donc, c'est l'histoire d'un homme plutôt jeune. D'ailleurs, je sais pas exactement son âge, j'ai oublié. Je dirais sans doute autour de 30 ans, peut-être un peu plus jeune. Qui désire, donc, qui est d'une famille moyenne bourgeoisie, bourgeois, donc pas grand bourgeois, mais voilà. Là, donc c'est un jeune homme qui cherche sa voie, qui a des frères qui sont morts à la guerre, ou il cherche sa voie. Et il n'a pas envie de reprendre les affaires du père, il n'a pas envie de suivre la voie tracée, il a envie de vie d'aventure. Mais ses parents, notamment surtout son père, s'y opposent, en lui vantant les mérites d'une vie rangée. Alors là, petite réflexion en passant, c'est assez amusant parce que il critique les deux extrêmes de la société, comme il dit. Le pauvre qui n'a que la survie, etc. Bon, là, forcément, on est assez d'accord, hein. On se dit que franchement, ça peut pas une vie agréable d'être pauvre en Angleterre. Bon. Il critique aussi les plus hautes castes, pour parler crûment. Les grands seigneurs qui ont des soucis, qui ont des soucis de grands seigneurs, parce que ils ont trop de choses. Je sais plus, je me souviens plus bien de son argument. Était-ce le rapport à la l'oisiveté? Je ne pense pas. Je pense qu'il voulait dire qu'ils ont des soucis qui les dépassent un peu, contrairement à eux qui s'occupent de leur fric, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un argument amusant. Ça me rappelle un peu, moi, pour continuer la digression, ça me rappelle un peu le meilleur des mondes de Aldous Huxley. On est en plein dans les. Alors attends, alpha, bêta, voilà, on peut parler de bêta. C'est-à-dire que les bêtas, on leur passe en boucle des messages du style les alphas, c'est affreux d'être alpha, il y a trop de responsabilités, c'est difficile. Bien sûr, faut pas être un epsilon parce que là, c'est vraiment l'horreur. L'idéal, c'est vraiment d'être un bêta. Hein. Bon, c'est amusant. Le besoin de se. C'est sans doute la meilleure façon de vivre une société où les classes sont plutôt cloisonnées. Mais c'est quand même assez affligeant. Pour l'instant, on parle pas de Dieu à ce moment-là. Bon, enfin, il veut partir. Finalement, il part quand même. Il fait un premier voyage en bateau. Parce que il veut être marin, le fils. Donc, il part contre l'avis de ses parents. Il voyage un peu, il fait des voyages en Afrique, il revient. Bon, premier naufrage assez rapide autour de, près de l'Angleterre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il a une peur bleue, il se jure qu'il va arrêter, mais enfin, il reprend. Bon, jusque-là, c'est pas franchement passionnant. Hein. Ensuite, il part plus loin, donc comme je disais, en Afrique. Là, il est fait prisonnier, il est mis en esclavage par les musulmans sur la côte africaine, du côté du Maroc, a priori. Bon, ok, il arrive à s'enfuir avec un jeune esclave arabe, je crois. Bon, peut-être pas esclave, mais enfin, un bon à tout faire, quoi. Il s'enfuit dans une barque tous les deux, et puis il fuit en Afrique noire, et puis finalement, il voit des Africains, ils sont recueillis par un bateau, alors quelle nationalité? Portugais peut-être. En tout cas, ils terminent au Brésil. On lui rachète la barque qu'il avait, donc il a un petit pécule pour démarrer. Il finit par faire une plantation de quoi? Tabac, je crois, oui. Bon, tout se passe bien pour lui, hein, pas de problème, mais il a la bougeotte. Il veut pas se contenter de faire des affaires, finalement. Du coup, quand on lui propose d'aller faire un voyage en Afrique pour aller chercher plus de profits, il accepte, moins pour les profits que pour le besoin d'aventure. Et là, naufrage. Alors, naufrage, ça se passe comment? Et donc, c'est un petit équipage, hein, ils sont une dizaine, je crois, en tout, en gros, neuf. Bon. Ils font naufrage près du Nil, sur des récifs, au large du Nil. Le bateau est bloqué, sur un banc de sable, je sais plus. Et la tempête faisant rage, ils disent que s'ils attendent dans le bateau, le bateau va être détruit et ils seront engloutis avec. Donc, ils quittent le bateau. Et là, ça se passe mal. Et il est le seul à arriver sur la côte. Il retrouve personne. Bon, hein. Et puis ça y est, on est dans l'histoire, la vraie, celle qu'on attendait. Donc, il est perdu sur son île. Donc, bon, alors il s'installe. Il se fait un vrai camp retranché. Une grande inquiétude tout le temps. Ça, c'est assez amusant. Bon, on n'est pas à sa place. Hein. Mais il a peur de tout. Enfin, il a peur de quoi? De faire des mauvaises rencontres, à la fois humaines et animales surtout. Humaine, bon, il croise vite personne, donc il finit par se rendre compte ou se faire une raison, mais bon. Ensuite, il grimpe sur le plus haut sommet de l'île et il voit qu'a priori, il découvre que c'est bien une île, bon, voilà, donc un grand désespoir, mais puis le temps passe doucement, il retourne beaucoup à l'épave du bateau pour aller chercher tous les outils, tous les cordages, le bois, les planches, tout, les voiles, tout ce dont il pourrait avoir besoin. Il essaye de vider, puis bien sûr les réserves de nourriture, de quoi d'autre, des grains, enfin, en tout genre, quoi. Donc ça, bon, ça fait un peu une longue partie. Ensuite, il finit par écrire son journal de bord, c'est un peu bizarre. Il se raconte écrivant son journal de bord. Donc on a droit au journal de bord, et puis de temps en temps des commentaires en plus, voilà. Bon, sur l'île, il finit par très bien s'organiser, a priori, hein, une vie simple. Il y a un tremblement de terre, et il y voit le message de Dieu, en fait. Hein, en gros, tu m'as renié, donc moi je te punis, je vais te tuer, voilà. Tout à coup, il a peur, et il devient ultra-croyant, et il s'en veut pour sa vie de débauche. Sa vie dans l'ignorance de Dieu. Alors c'est assez amusant parce que la vie de débauche, on n'en sait rien. Alors bon, je dis pas qu'elle a pas eu lieu, sa vie de débauche, mais qu'est-ce que la débauche? Même la notion n'est pas définie. Donc non seulement c'est pas ce qu'il a fait, mais qu'est-ce que la débauche? Bon. Donc, il parle de rien, quoi. On a l'impression que juste le fait de vivre sans se soucier de Dieu suffit. Bon. Il se disait qu'il vivait un peu comme un animal, c'est-à-dire il faisait ce qu'il avait envie de faire quand il avait envie. Enfin bon, ça c'est pas bien, manifestement. Donc bref, donc malheureusement, mais enfin heureusement pour lui, il a quand même un livre, et c'est la Bible, bien sûr. Donc il étudie un peu régulièrement à partir de ce moment-là. Mais bon, c'est encore une fois, ça ne change rien à sa vie. Enfin, c'est intéressant parce que, à part qu'il a reconnu Dieu, enfin, c'est marrant cette croyance que c'est celle de l'auteur sans doute, parce que je vois pas d'ironie là, que Dieu, enfin le rapport à Dieu seul compte quoi. Il parle la vertu sur une île déserte. Si, pour avoir envie de se taper une chèvre, il y en a. Mais bon. A priori, il le fait pas. Bon, voilà. Ça m'a troublé cette histoire de chèvre. Enfin, bon. Mon rapport à Dieu un peu amusant, quoi. On sent que c'est important, mais on se demande dans quelle mesure. A priori, c'est une partie romancée, justement, d'ailleurs. Mais ça fait un peu pathétique, quoi. Il faut sauver l'homme, mais on sait pas trop ce qu'il faut vraiment, quoi. Si c'est faire ses deux prières par jour. Voilà, si c'est de réclamer des choses à Dieu, bon, puis on sait surtout, on sait pas ce qu'il faisait avant de mal, hein, parce que peut-être qu'il peut plus rien faire de mal sur une île déserte. Hein. C'est une vision complètement, je sais pas, surprenante. Ou alors c'est moi qui suis un peu trop athée et puis énervé de cette vision religieuse-là pour mieux comprendre, mais. Ouais, vivre sans Dieu, c'est ça, je pense, le vrai péché, c'est ça. On peut faire des péchés, s'en excuser, passer son temps à se confesser, bon, bah, à la limite, voilà. Mais exactement la même chose, mais sans se penser à Dieu, alors ça, c'est pas bien. Ouais. Je sais pas si vraiment il y a un Dieu, je sais pas s'il attend ça de nous, juste le fait qu'on pense à lui. Mais bon. Bref. Ouais, c'est un peu troublant d'ailleurs, parce qu'il est mis en esclavage, et puis pour autant, il a à peine des états d'âme à vendre le petit garçon après à ses sauveurs. Mais il se console en demandant à ce que le petit garçon, une fois adulte, soit affranchi. Bon. Mais c'est pas ça le problème de sa vie de débauche, manifestement. Mais enfin, ça pourrait. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Voilà, donc il est sur son île, tout va plutôt bien, il a réussi à trouver des grains de blé, donc il a planté un peu de blé par hasard au début, il y voit un geste de Dieu encore, bon. Après il comprend que c'est pas Dieu, donc il dit tiens, Dieu n'existe pas, puis il s'en veut ensuite, oh là là. Bon. il part un peu à l'intérieur de l'île, il trouve un bel endroit, une vallée abritée, très vert, très beau. Puis bon. Il a l'impression que s'il s'éloigne de la côte, plus il diminue, déjà ses chances sont très minces de retrouver un bateau, mais qu'il diminue d'autant plus ses chances de retourner la civilisation. Donc il préfère ne pas s'installer dans ce qu'il appelle sa résidence secondaire, même s'il y va souvent. Parfois il y passe quelques nuits, quelques semaines je crois même, mais bon. Alors on parle beaucoup aussi des outils qu'il doit fabriquer petit à petit. Ça c'est pas une mince affaire. C'est vrai, on imagine très bien que bon, le temps de faire une pelle en bois, bon, il faut un peu de temps quoi. Il faut abattre un arbre, voilà, bon. Il raconte les clôtures aussi beaucoup. Ça, il est dans une grotte et puis autour il a fait des clôtures. Bon, on comprend, c'est dommage, on imagine. J'ai toujours un peu de mal à visualiser son campement, mais en tout cas la clôture semble magnifique parce que. Il fait une clôture assez épaisse, assez haute, donc il protège, bon, enfin, de quoi. Bon. Mais surtout, et là ça devient plus amusant, il met du gazon à l'extérieur, si j'ai bien compris. Donc ça ressemble à une sorte de colline, quoi. Bon. Enfin, du moins de butte. En gros, c'est camouflé, voilà. Et comme il le dit, ça me servira plus tard. Donc, effectivement, on imagine bien qu'il va y avoir des... il va se passer des choses. Et que ça va lui servir de refuge. Bon, voilà. Sinon, il va manquer d'encre, donc il devra arrêter son journal, préciser, ou du moins le réduire à l'essentiel. Ce qui ne l'empêche pas dans le bouquin de parler en plus, donc ça va, nous, on n'est pas gêné. Mais bon. Voilà. Voilà pour le moment, j'en suis à peu près pas tout à fait au milieu du livre quand même. Hein. C'est pas fini cette histoire. Bon, un effort. Voilà. Alors, deuxième partie des aventures de Robinson Crusoe. Alors, deuxième partie, peut-être deux tiers du livre. Alors, je l'ai fini il y a déjà un certain temps, donc je ne me souviens pas de tout. Je vais faire un résumé rapide. Alors, donc c'est au moment où il commence à gérer bien sa présence sur l'île, il est autonome et tout. Là, il se rend compte qu'il y a des noirs qui viennent, des sauvages, qui viennent du continent en bateau. Et il se rend compte qu'ils font des massacres et que ce sont des cannibales. Enfin, des massacres. Un petit déjeuner, mais enfin, ce sont des cannibales. Ils viennent là pour tuer leurs prisonniers et les manger. Alors, ça le rend à la fois très coléreux et très inquiet. Il a envie de tuer tous les sauvages. Et puis, il a aussi envie de s'enfermer dans son camp et de plus en sortir. Alors d'ailleurs, c'est un peu... c'est assez intéressant parce que il finit par se rendre compte tout seul, grâce à la Bible, à sa grande croyance en Dieu, que c'est pas son travail de les juger. Qu'ils ont leurs coutumes, que les Espagnols, parce que bon, quand même, l'auteur est un peu chauvin, que les Espagnols ont fait beaucoup de massacres en Amérique du Sud et ce sont des blancs et qu'on pourrait fort bien comparer l'acte de ces Européens à ceux de ces sauvages. Donc c'est pas son boulot de les juger et puis Dieu le fera bien plus tard, etc. Donc ça c'est voilà. Alors, il finit par... Bon, je vais passer sur les détails. Il finit par repérer à nouveau une... Alors ça se passe pendant des années, hein. C'est vraiment... Ça s'étale dans le temps. On est peut-être au bout de 15 ans déjà sur l'île, quoi. Il finit par voir les sauvages revenir, et puis il voit qu'ils ont des prisonniers. Alors... Et puis il finit par... Alors il les observe de loin sans vouloir intervenir. Mais il en voit un qui s'échappe. Alors il va à sa rencontre, alors qu'il est poursuivi. Donc il va à sa rencontre, il l'aide, et il tue les deux poursuivants. Voilà, et là il l'a rencontré vendredi. Parce qu'il l'a rencontré un vendredi. Donc voilà, donc ça devient un ami, surtout un serviteur. Hein. C'est vraiment lui qui possède cet homme, c'est impressionnant. Aucune conscience morale, enfin bref. C'est son serviteur, il lui doit la vie, et puis c'est un gentil sauvage, quoi. Du coup, ils se sentent très bien sur l'île, ils passent leur temps tous les deux. Jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau des sauvages qui débarquent. Et là, ils voient un blanc parmi eux. Donc il va avec Vendredi, les attaque, il libère le blanc et il les tue les autres. Ce faisant, il faut aussi le père de Vendredi qui sauve. Donc, on se retrouve à 4 sur l'île. Tout va très bien. Et puis il pense de plus en plus à repartir, à faire un bateau, aller sur le continent, parce qu'on sait qu'il y aurait d'autres Espagnols, qui auraient des rescapés aussi, qui seraient sur le continent, sur la côte. Complètement désemparé. Alors, il finit par envoyer, d'ailleurs, je sais plus qui, le père de Vendredi, les chercher. C'est un peu flou là pour moi. Enfin bref. Ce faisant, alors en attendant, il y a un autre bateau qui débarque avec en fait, des mutins, sorte de bounty quoi. Alors bon, il y a toute une histoire. Il finit par sauver le capitaine et à reprendre le bateau. Et puis il y a quelques mutins, vraiment les plus méchants, on les laisse sur l'île et ils repartent eux avec le bateau. Voilà. Bon bah en gros c'est ça. Ensuite il arrive, il revient en Europe et puis au Portugal, en Angleterre, il alterne, il va de l'un à l'autre. Il y a un grand voyage à pied entre le Portugal et l'Angleterre, enfin à pied, c'est-à-dire à travers l'Espagne, la France. On en parle, c'est assez amusant, surtout la traversée des Pyrénées qui est très difficile. Avec des loups qui les attaquent, enfin, je sais pas, je sais pas si c'est très sérieux là, enfin, c'est de plus en plus flou quoi. D'ailleurs, ça discrédite peut-être tout le reste de l'ouvrage, mais je sais pas, j'avais cru comprendre que les loups n'attaquaient pas les hommes comme ça. En tout cas, pas de cette façon-là, pas quand les hommes se défendent, qui sont nombreux, parce que là, ils sont un gros groupe. Je trouve que c'est un peu. C'est en plein dans le mythe, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, sa fortune est faite grâce à sa plantation d'Amérique du Sud. Il en parle beaucoup, hein. Les gentils qui ont gardé sa plantation, l'argent qu'il a. Alors, il hésite à aller au Brésil. Mais il n'y va pas. Parce qu'il faudrait qu'il se convertisse au christianisme, au catholicisme. Et ça le dérange. Il rentre pas dans les détails d'ailleurs. Ça le dérange. Les papistes là, bon, je crois qu'il y a une référence. Pour lui, la vraie religion, c'est pas ça. Donc voilà, il veut pas. Bon, ok. Je reviens à l'arrière un peu. Quand il était sur l'île avec Vendredi, seul avec lui, c'était assez intéressant. Il y a une petite réflexion philosophique, théologique. Enfin, il se dit que. Donc, il christianise, on peut le dire comme ça. Vendredi, il lui apprend Dieu, etc. Il l'empêche de rester cannibale. Bon. Et puis aussi, il finit par se rendre compte. Il dit, mais c'est fou, sa nature est si bonne. Il a une telle spontanéité, enfin, c'est quelqu'un de bon, profondément bon, et du coup il est surpris, il dit, mais cet homme qui n'a pas eu accès à la religion, à la vérité de Dieu, il la respecte mieux que des hommes qui ont baigné dans cette religion. Donc ça, c'est le belle, enfin, c'est un beau début de réflexion, je trouve. Ouais. Il va pas beaucoup plus loin que ça, hein, mais. C'est déjà pas mal, je pense, pour l'époque, et vu ce qu'il écrit par ailleurs, avec une condescendance pour le sauvage, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose. Bon, il y a aussi un peu du mythe du bon sauvage, hein. Je crois qu'on n'est pas très loin du Rousseau, là, c'est fou, hein. D'ailleurs, je me demande s'il fait pas référence. C'est intéressant que je vérifie ça, mais bon, pas évident. En tout cas, oui, on est en plein dans le mythe du bon sauvage, hein. Il est bon parce que, bon. Naturellement bon, même sans religion, c'est incroyable, enfin bon. Voilà, et puis la fin de sa vie, j'avoue que j'ai un doute, comment il meurt? Non, ensuite, ah oui, il repart. Oh, c'est un peu compliqué, il revient en Angleterre, il a sa fortune, et il y a une veuve qui s'en occupait, là. Finalement, il repart. Il repart pour un voyage en bateau. Avec une sorte de quasi-fils adoptif, le fils de quelqu'un qui était complètement désargenté. Voilà. Bon. Et la suite de ses aventures, je fais une pause. Oui, alors durant ses voyages, là, il retourne sur son île. Il amène des vaches, des moutons. Aux gens qui y vivent, en fait, ça devient son île. Et donc, c'est ses plantations, etc. Donc, je sais pas s'il y retourne vraiment pour vivre, mais enfin, a priori, les hommes qui l'y a laissé, ils se sont fait attaquer par des Indiens Caraïbes. Ils ont perdu une bataille, ensuite, ils ont gagné la deuxième, ils ont tous tué, ils ont replanté, enfin bon. Mais il dit que, voilà, toute cette aventure-là, ainsi que ces 10 années, machin, il en parlera si après. sauf que c'est la fin du livre. Donc bon voilà, ça se termine un peu bizarrement. Bon, le cœur de l'aventure est derrière, de toute façon. Voilà. Globalement, c'est un livre intéressant parce que c'est un mythe. Ensuite, j'ai une bonne réflexion. J'ai une bonne réflexion sur je trouve l'homme seul qui transforme sa vision du monde grâce à sa religion, à Dieu. C'est assez intéressant. Comprend que finalement le bonheur c'est pas d'avoir des millions de choses, le bonheur c'est d'être tout simplement. Bon, ça c'est quand même assez intéressant. Il y a une espèce de révélation de l'antimatérialisme là qui est quand même assez forte. Bon, c'est Dieu tout ça, hein. Bon, mais enfin quand même, voilà, il y a une sagesse là qui est trouvée. Par contre, une énorme, donc ça a été écrit au début du 17e, je crois. Donc c'est fou là, la vision du monde, bon, aucune conscience d'égalité entre les hommes, enfin bon, ça viendra beaucoup plus tard. Voilà, donc de ce point de vue là, très rétrograde. Bon, même si, je l'ai dit avec Vendredi, il y a une amorce de considération de l'autre, bon. Voilà, et puis bon, c'est tiré d'une histoire vraie, mais fortement romancée sans doute, donc voilà, faudrait connaître l'histoire du vrai. Voilà, donc un livre intéressant. Bon, mais pas un livre qui passionne de bout en bout, mais bon, un livre qui vaut le coup.